Genèse chapitre 50. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, et pleura sur lui, et le baisa. Et Joseph commanda à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et on employa 40 jours à l'embaumer, car c'était la coutume d'embaumer les corps pendant 40 jours, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Or, le temps du deuil étant passé, Joseph parla à ceux de la maison de Pharaon, en disant, « Je vous prie, si j'ai trouvé grâce envers vous, faites savoir ceci à Pharaon, que mon père m'a fait jurer, et m'a dit, « Voici, je m'en vais mourir, tu m'enterreras dans mon sépulcre que je me suis creusé au pays de Chanaan. Maintenant donc, je te prie, que j'y monte, et que j'y enterre mon père, puis je retournerai. » Et Pharaon répondit, « Monte, et enterre ton père, comme il t'a fait jurer. » Alors Joseph monta pour enterrer son père, et les serviteurs de Pharaon, les anciens de la maison de Pharaon, et tous les anciens du pays d'Égypte, montèrent avec lui, et toute la maison de Joseph, et ses frères, et la maison de son père, y montèrent aussi, laissant seulement leur famille, et leurs troupeaux, et leurs bœufs, dans la contrée de Goshen. Il monta aussi avec lui des chariots et des gens de cheval, tellement qu'il y eut un fort gros camp. Et lorsqu'ils furent venus à l'Erdata, qui est au-delà du Jourdain, ils y firent de grandes et de douloureuses lamentations, et Joseph pleura son père pendant 7 jours. Et les Chananéens, habitants du pays, voyant ce deuil dans l'Erdata, dirent, « Ce deuil est grand pour les Égyptiens. C'est pourquoi cette terre, qui est au-delà du Jourdain, fut nommée Abel Mitzraïm. » Les fils donc de Jacob firent, à l'égard de son corps, ce qu'il leur avait commandé, car ses fils le transportèrent au pays de Chanaan, et l'ensevelirent dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, laquelle Abraham avait acquise d'Éphron, et tient, avec le champ, pour le posséder comme le lieu de son sépulcre. Et après que Joseph eut enseveli son père, il retourna en Égypte avec ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Et les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, dirent entre eux, « Peut-être que Joseph nous aura en haine, et ne manquera pas de nous rendre, tout le mal que nous lui avons fait. » C'est pourquoi ils envoyèrent dire à Joseph, « Ton père avait commandé avant qu'il mourût, en disant, « Vous parlerez ainsi à Joseph, je te prie, pardonne maintenant l'iniquité de tes frères, et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Maintenant donc, je te supplie, pardonne cette iniquité aux serviteurs du Dieu de ton père. » Et Joseph pleura quand on lui parla. Puis ses frères même y allèrent, et se prosternèrent devant lui, et lui dirent, « Voici, nous sommes tes serviteurs. » Et Joseph leur dit, « Ne craignez point, car suis-je en la place de Dieu? Ce que vous aviez pensé en mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien, pour faire selon ce que ce jour-ci le montre, afin de faire vivre un gras, haine des peuples. Ne craignez donc point maintenant, moi-même je vous entretiendrai, vous et vos familles. » Et il les consola, et leur parla selon leur cœur. Joseph donc demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et vécut 110 ans. Et Joseph eut des enfants d'Éphrin jusqu'à la 3e génération. Makir aussi, fils de Manassé, eut des enfants qui furent élevés sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères, « Je m'en vais mourir, et Dieu ne manquera pas de vous visiter, et il vous fera remonter de ce pays, au pays dont il a juré à Abraham, Isaac et à Jacob. » Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël, et leur dit, « Dieu ne manquera pas de vous visiter, et alors vous transporterez mes os d'ici. » Puis Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte.